Bienvenue en 2030 glorieuse. Bon voyage. J'ai l'impression que ça vient des enfants. Je sais pas si tu te rappelles, il y a quelques années, quand on commençait à avoir des choses qui changeaient dans les foyers, ça venait souvent des enfants qui apprenaient à l'école et qui ramenaient ça à leurs parents, et leurs parents se disaient, là, il faut vraiment que je change des choses. Et depuis qu'il y a des cours de respiration à l'école, qu'on apprend tel type de respiration pour se faire focus, tel type de respiration pour s'énergiser ou se calmer, ou juste avant une prise de parole. J'ai l'impression que ça a ramené la respiration dans les foyers français, que ça part de l'école. En tout cas, je l'ai vraiment vécu comme ça, quand mon fils est rentré avec son petit carnet de respiration, aussi important que son carnet de maths ou son carnet de sciences. Moi, ça m'a beaucoup bouleversé, j'ai appris avec lui, il m'a beaucoup formé là-dessus finalement. Les enfants nous ont apporté ça quand même. Merci d'avoir voyagé avec nous en 2030 glorieuse. Si vous voulez continuer à muscler vos utopies, rendez-vous sur 2030glorieuse.org pour explorer la galaxie utopiste que nous mettons à votre disposition avec créativité, enthousiasme, humour et amour. Vous pourrez découvrir des méditations utopistes, des livres et pourquoi pas d'autres épisodes du podcast 2030 Glorieuse qui existe depuis plusieurs saisons déjà. Surtout, les 2030 Glorieuses, c'est un atelier d'intelligence collective qui permet de reprendre le pouvoir des imaginaires. Cet atelier peut se réaliser partout en France, voire même en Europe ou en ligne. Et si vous le souhaitez, vous pouvez devenir guide de voyage en 2030 Glorieuses pour rejoindre la communauté des centaines d'utopistes qui sont déjà tout autour de vous sans le savoir. Alors je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et à bientôt dans la communauté utopiste 2030 glorieuse.